ses sandales. La cour de verre lassée, je sors dehors. Et regarde personne. Et les passants suivent mes pas, parlent de moi. Mes voisins cachés aux fenêtres chuchotent et hochent la tête. La ville résonne de leur saviez-vous. Les potins de madame, je sais. Dans ma tête, des coups de fil anonymes dénoncent mes gestes, la délation sous mon toit, mes chers voisins.